On va parler avec Hendrix Lapierre des Saguenay de Chicoutimi. C'est sa première année, Hendrix, les Saguenay qui connaissent vraiment une saison incroyable. Et on va parler comment il a vécu sa première année. Salut Hendrix. Salut. Salut Hendrix. Comment tu as vécu ta première année dans la Ligue de hockey junior du Québec? Est-ce que ça a vraiment répondu à toutes tes attentes? Oh, absolument. Je pense que ça a été une année vraiment magnifique, non seulement pour moi, mais comme tu as mentionné, pour l'équipe aussi. Je pense qu'on a... On a vraiment fait du progrès au cours de toute la saison, non seulement moi, mais l'équipe aussi. Puis je pense qu'on rentre en série avec énormément de confiance, donc c'est quand même bon pour nous. Puis moi, du côté individuel, je suis quand même content de ma première saison. Puis c'est incroyable à la GMV, c'est comme j'avais anticipé. Donc c'est vraiment une sport de première saison. L'adaptation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la Ligue Midget 3, ça s'est bien fait pareil dans ton cas. C'est sûr que tu es un joueur avec beaucoup, beaucoup de talent. C'est la vitesse d'exécution quoi, que tu as trouvé la plus dure peut-être à s'adapter? Je pense que c'est pas mal plus le jeu physique. Tu sais, gagner mes batailles contre un, peut-être les deux sont plus gros, plus forts. Donc c'est ça. Puis aussi mon jeu défensif, ça va un peu plus vite dans la zone défensive. Donc il faut que je m'habitue à ça, mais je fais du travail pour essayer de devenir meilleur. Je pense que ça s'en est de mieux en mieux. OK. Si on parlait un peu, comment vous l'équipe est jeune, l'équipe est très talentueuse, comment vous abordez les séries éliminatoires qui s'en viennent? C'est-tu vraiment de causer la surprise? Vous rentrez avec de la pression? Comment tu voyais ça, là? Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça causer une surprise. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous sous-estiment peut-être un peu vu qu'on est jeune ou peu importe. Mais moi, je sais qu'avec ce qu'on est capable de faire puis ce qu'on a fait justement contre Drummondville il y a deux jours, si on joue comme ça, je pense qu'on va être extrêmement difficile à battre puis on va être une équipe que les autres équipes vont pas vouloir affronter. Donc oui, on veut qu'il y ait une surprise. On va essayer de se concentrer sur le processus puis de faire ce que nous, on peut contrôler. On peut pas contrôler ce qui va se passer dans les autres séries ou peu importe, mais nous, on essaie de remplir là en tant qu'équipe, en tant que groupe soudé qui veut se rendre jusqu'au bout. Puis si on fait ça, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Hendrix, je t'avais vu au repêchage, je sais pas si tu te rappelles de moi, puis tu étais content, ouais. Puis t'avais été au rechat, tu étais content d'aller avec Théo, puis on voyait qu'il y avait une belle chimie entre les deux. J'imagine que ça a continué tout au long de la saison. Hein. Ah ben oui, moi puis Théo, on passe nos journées pas mal ensemble à l'école ou à l'aréna, donc c'est super le fun, on a une belle chimie. On joue pas ensemble, mais c'est à l'extérieur de la glace, on se parle souvent, on passe nos journées ensemble, comme j'ai mentionné. Donc c'est vraiment plaisant que les Saguenay l'aient sélectionné parce que c'est une bonne personne puis c'est un très bon joueur d'hockey aussi. Moi, te dire une affaire cet automne, puis l'été prochain, puis l'hiver, puis même les séries éliminatoires, ça va être le fun sur les Sags, puisque vous avez un paquet de jeunes en pleine évolution. Il y a la transaction de Dobson que vous allez obtenir beaucoup, j'ai l'impression également. J'imagine que pour les joueurs, c'est aussi un motivant que les partisans. C'est encore plus intéressant. Ah ben c'est sûr qu'on peut pas s'en plaindre. C'est vraiment plaisant de voir tout ce qui arrive présentement avec l'organisation. Je pense que déjà cette année, on a une équipe très très bonne. Donc, j'ose même pas imaginer lors des prochaines années. Je pense qu'on va pouvoir accomplir des belles choses si on travaille fort. Puis, comme j'ai dit tantôt, on s'enligne vers la bonne direction. Donc, on va essayer de connaître une très bonne fin de saison, des bonnes séries. Puis après ça, on verra pour l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'il y a des belles choses qui s'en viennent avec les Sags, je pense. OK. Hendrix Lapierre, gros, merci. Bonne chance. Félicitations de ta première saison avec les Sags. Merci beaucoup. L'attaquant des Saguenay de Chicoutimi, Hendrix Lapierre.